Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de patinage de vitesse sur contre-piste. On devait faire le bilan de hier, mais ça arrive que on n'est pas capable de se parler. Quoi qu'il en soit, on va le faire aujourd'hui avec François-Olivier Roberge, Coupe du monde de patinage de vitesse en fin de semaine. Salut François. Salut. François, je suis tellement content pour Marianne, puis j'ai hâte d'y parler. Je devais le faire aujourd'hui, mais finalement, elle m'a dit par Facebook qu'elle avait une grosse journée, fait que ça va se faire demain. Fort probablement. Ça, je suis content parce que, puis en même temps, je suis pas fin quand je dis ça parce que j'ai entendu un animateur de Radio X sur les ondes de Radio X Saguenay qui se posait des questions sur Marianne, le fait que t'es inquiète parce qu'elle avait connu une mauvaise journée, une mauvaise fin de semaine, puis là, il semblait-il qu'il avait parlé à un médecin, puis que le médecin disait que ses commotions cérébrales pouvaient faire en sorte que ça pouvait nuire aux performances de Marianne. Ben, Marianne, là, en fin de semaine, là, Elle a rabroué tous ses détracteurs. Ou ceux-là qui s'inquiétaient, ceux-là qui s'inquiétaient. C'est génial, aux 500 mètres, médaille d'or aux 500 mètres. Mais tu sais, la semaine passée aussi, il faut se rappeler que Marianne patinait juste le 500 mètres. Elle avait juste une distance, puis elle n'avait pas fini dernière non plus. Là. Elle avait juste manqué le podium. Ouais. Donc, c'est parce qu'on nos attentes envers Marianne, puis envers l'équipe canadienne, sont excessivement élevées. Mais on sait qu'en courte piste, ça peut pas toujours être parfait. Là, t'es pas tout seul dans ton couloir du début à la fin. Puis il peut toujours avoir plein d'autres éléments que le patineur lui-même. Donc bref, Marianne en fin de semaine a été géniale avec une médaille d'or aux 500 mètres. Elle était suivie de sa coéquipière Kim Boutin qui elle aussi est géniale. Puis c'est vraiment l'histoire de ce week-end. Hein. J'ai lu Alain Bergeron dans le Soleil, dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Alain, il est excellent. Puis un de ces trucs qui m'a fait allumer là, que j'ai trouvé super bon, c'est il parle que pour le succès d'une équipe puis pour la pérennité d'une équipe, c'est il faut qu'il y ait un combo des je la relève puis des vétérans qui ont du succès. Puis ben on peut pas parler d'une meilleure démonstration que ça en fin de semaine là, avec Marianne, c'est ce que je viens de dire, Marianne Kim sur le podium, Samuel Girard qui est médaille d'or aux 500 mètres, pendant que Valérie Maltais est médaille d'argent aux 1500 mètres, et que Charles Hamelin est une médaille de bronze aux 1500 mètres. Là, on parle vraiment des vétérans puis des jeunes qui se mettent ensemble, puis qui font ensemble ça aussi au relais. Les gars qui gagnent encore l'or, donc les gars qui sont deux médailles d'or cette année au relais, puis les filles qui remontent sur le podium. Les filles sur le podium aussi, c'était, je pensais à vous, là, c'est pas un podium, un relais presque du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. En finale, il y était trois filles sur quatre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas pour rien que, François, que je t'appelle toutes les semaines. Je suis pas mal, puis je le faisais avec Robert Dubreuil avant, je suis pas mal certain que c'est pas mal à Den Radio Sport que tu parles plus de patinage de vitesse. C'est pas pour rien, là. Regarde l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. Regarde l'équipe du Canadien, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas pour rien. Ouais, c'est incroyable. C'est ça, là. Marianne monte sur le podium, Valérie monte sur le podium, Samuel Girard monte sur le podium. Mais ça, c'est deux régions dans Ouais, mais ça, c'est deux régions dans une, François, parce qu'il y a le Saguenay et il y a le lac. Faut que tu parles. Oui. Puis nous autres, ben, juste au lac, dans le coin, on a Marianne et on a Cassandra Bradette. Oui, comme je disais, juste au lac, vous avez en finale, sur le podium, juste au lac, vous avez Cassandra et Marianne. Il y a des régions qu'on n'en a même pas un. Puis nous autres, on en a deux dans notre comté. Tu viens du même club en plus, hein, qui vient du club de Saint-Félicien. Ouais, fait que non, c'était vraiment fun. L'équipe canadienne, la troisième place, ça dit quoi ça en relais? Est-ce que ça veut dire que c'est bon? Ça veut-tu dire que c'est à peu près là qu'on pourrait retrouver aux Olympiques, hein? Ouais, ben je pense que oui, mais on peut aussi, tu sais, comme on disait, les filles sont fortes, les filles progressent. Et c'est du courte piste, il peut se passer plein de choses. Là, exemple, chez les gars, les Coréens n'étaient pas de la finale parce que bon, ouais. Il s'est passé quelque chose en demi-finale. Donc, il peut se passer plein de choses. Puis les filles aussi commencent à apprendre que ils ont pas seulement à regarder de haut les Coréennes. Hein. Ils sont capables, les filles, d'être aussi fortes. Peut-être pas toujours aussi fortes, mais ils sont capables de se battre avec elles, c'est sûr. Puis elle le prouve de plus en plus. Puis la très bonne nouvelle, c'est que là, les gars sont presque. Ben, en fait, je pense que mathématiquement, les gars sont assurés de classer l'équipe masculine pour le relais aux Olympiques. Puis les filles, avec ces résultats-là, je pense que ça s'en vient excessivement bien aussi. Je pense pas qu'on peut dire que c'est assuré, mais je pense que c'est vraiment sur la bonne voie. Donc, si on classe le relais masculin puis le relais féminin, ça signifie qu'il va pouvoir avoir 5 Canadiens puis 5 Canadiennes aux Olympiques. Donc, ça fait une grosse différence parce que si on classe pas les équipes, on tombe à 3 par sexe. Okay. Donc, c'est excessivement important de les classer. Puis là, c'est l'objectif 1 de l'automne, puis c'est en train d'être réalisé là, vraiment avec brio. OK. Cassandra, le fait qu'elle n'a pas patiné quasiment, c'est-tu décevant pour elle? Je vais essayer d'y parler. Cassandra, en plus, elle fêtait son 28e anniversaire hier. Donc, Oui, c'est sa fête. Je pense pas que c'est décevant. Je pense qu'elle s'attendait à ça après les sélections olympiques. Après les sélections olympiques, c'était Kim Boutin puis Jimmy McDonald, puis ben là Valérie Maltais et Marianne n'avaient pas patiné. Marianne n'a pas patiné du tout, puis Valérie n'avait pas patiné au complet. Donc je pense que Cassandra savait qu'avec l'arrivée de ces filles-là, elle tombait après pour le classement individuel. Je pense qu'elle pouvait s'en attendre, puis tu sais qu'elle patine comme là, elle était sur la glace pour la finale du relais. Okay. Donc ça c'est super bon aussi parce que si tu patines au relais aux Olympiques, puis le relais une médaille, ben t'as une médaille olympique, hein. Mm-hmm. Donc de le faire toute l'automne, ben ça prouve que rendu au jeu, elle va avoir sa place, puis pas nécessairement sa place, pas juste sa place en quart de finale, là, elle patine les grosses finales. Là. Donc, elle a vraiment sa place dans l'équipe. Okay. Valérie Maltais, deuxième position à 1500 mètres, c'est bon. Moi, je trouve ça bon, Valérie. C'était pas, tu sais, je trouve qu'elle, personnellement, je trouve qu'elle a plafonné. Ça, c'est une opinion. Je suis pas un connaisseur du tout, là, le patinage de vitesse comme toi, là, mais je trouve que, tu sais, il y a quelques années, c'était, t'avais Marianne, puis t'avais Valérie tout juste à côté d'elle, là. T'es pas loin, puis là, les blessures, le fait peut-être qu'elle fait du patin en rond aligné, ça l'a peut-être pas aidé non plus. C'est une opinion bien personnelle, je sais pas, je peux être dans le champ. Mais, je pense qu'il faut le voir comme... c'est sûr qu'on peut le voir comme ça, mais je pense qu'il faut le voir aussi comme... Tu sais, c'est une longue carrière quand même. Ouais. Là, ça fait presque une dizaine d'années là, que ces filles-là sont sur le circuit. Puis ben, il va y avoir des hauts et des bas. Puis elles sont parties fortes, là, Marianne puis Val, jeunes. Puis Marianne a pas mal toujours continué à grimper. Il y a eu quelques bas, pas très longs. Tandis que Val, effectivement, elle a eu peut-être un creux de vague. Mais là, moi, elle m'impressionne en ce début de saison-ci. Là, déjà aux sélections olympiques, je la trouvais bonne. Là, elle a pas fini les sélections parce qu'elle s'était blessée. Puis là, elle revient. Puis c'est vraiment là encore là, médaille d'argent aux 1500 mètres. C'est vraiment impressionnant. Puis... je trouve que c'est positif pour toute l'équipe là. Je sais pas si j'aimerais ça être là pour voir l'énergie. Est-ce que les plus jeunes poussent les plus vieilles, les plus vieux, puis les plus vieux tirent les plus jeunes, ça ressemble à ça. Puis je suis content que Val puisse participer là dans cette équipe là. OK. Donc on s'en reparle François, on s'en reparle la prochaine, je pense que j'ai vu ça, c'était au mois de décembre la prochaine compétition. Non, début novembre, c'est dans hey. 3-4 semaines. Un mot, je sais que j'ai David Simard qui m'en a parlé hier, parce que moi j'ai deux, comme j'ai dit, j'ai deux chroniqueurs de patin. Un pour les plus jeunes, puis qui nous parle des Catherine Maillot, des mots de Tremblay, et ainsi de suite. J'en ai un autre pour toi. Puis toi, tu me fais le job de Marianne puis Cassandra. Mais est-ce que tu étais à Chicoutimi en fin de semaine? Non, j'étais pas là en fin de semaine. J'avais trop de trucs. Là. C'est un gros début de saison pour moi. Là. Puis non, j'étais à Montréal pour une autre activité. Okay. Mais j'ai par contre, je l'ai suivi un peu sur la web diffusion là, parce que le circuit Elite, qui est notre meilleur circuit au Québec, on est rendu avec la web diffusion, donc je pouvais le suivre un peu. Ah, c'est bon. La technologie progressant, hein, comme qu'on pourrait dire, hein? Ben non, mais c'est ça. C'était drôle d'ailleurs. J'ai publié une photo, Charles Hamelin qui m'a envoyé une photo de l'équipe samedi soir, donc qui est en Europe, l'équipe qui regardait la web diffusion de Saguenay. Donc, il est en train de regarder les Québécois se battre à l'élite pendant qu'eux venaient de ramasser 5 médailles en Coupe du Monde. Puis de l'autre côté, il y a un coach qui était à Chicoutimi qui m'a envoyé une photo pendant les repos. La gang qui était à Chicoutimi regardait la Coupe du Monde qui était en Hollande. Donc c'est assez spécial de voir ça là. Quand tu parles de technologie là, ça, ouais. Tu sais, je suis pas vieux là, j'ai 32 ans puis ma carrière a été terminée il y a 8 ans, mais on était très très très loin de pouvoir voir les courses en web diffusion comme ça. Là. OK. Ben François, on s'en reparle très très bien à la prochaine compétition. Ouais. De la Fédération québécoise de patinage de vitesse, François-Olivier Robert.